Chez sa grand-mère, il a une chambre très chouette. La recherche scientifique est très chère. Tes chats et tes chiens sont tous charmants. Les manches de ta chemise sont moches.